بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فأعداء الله جل وعلا من كافرين أو منافقين لا يزالون يحاربون عباد الله المؤمنين وبالأخص المرأة المسلمة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية nous informe أن أهل الشر que ce soit les kuffars, que ce soit les hypocrites, ils font tout pour que المؤمن الصالح المؤمنة الصالحة يسكرت بالغد الدين قال عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات ceux qui suivent al-shahwat, les passions, le mal, leurs envies, sont très loin du din. Qu'est-ce qu'ils veulent, ha'oula ? وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Le mail, c'est le fait de s'écarter d'une chose. فَهُمْ, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, leur but c'est هذا, d'écarter al-mu'min, et كذلك al-mu'mina de leur din. ويركزون بالأخص على المرأة. Et leurs efforts, ils sont surtout avec la femme. Et ils font beaucoup d'efforts, قاتلهم الله, ils combattent l'islam par le biais de la femme. Et دائما en parlant, en tournant autour du sujet de la femme. لماذا؟ لأن المرأة c'est al-madrasatu al-oula li hadhihi al-ajyal al-mu'minin. Yanna al-mar'a, c'est la première école. C'est elle, si elle est saliha, thabita, c'est elle qui va éduquer cette génération à al-khayr. Amma le père, il est occupé, le père il sort, le père il travaille. Amma les premiers pas de l'enfant et sa première école, c'est fil-bayt, inda ummi. فالأعداء يركزون, ils font beaucoup d'efforts pour que cette femme elle s'écarte de son dé et elle éduque pas cette génération à al-khayr et ça donne une génération qui sont très très loin du din. والله المستعان. فبفسادها يفسد المجتمع. Et si cette femme elle est plus à la huda, elle est pas sur le droit chemin, elle donne aucune importance au din, elle fait pas des efforts sur l'ilm, فينحرف أبناء المسلمين. لماذا؟ لأن l'éducation de ses enfants c'est avec la mère. فعلى المرأة المسلمة أن تشعر بالمسؤولية. La femme مسلمة, elle doit comprendre ces choses et elle doit كذلك se rendre compte أنها elle est responsable. Elle a une responsabilité عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية. Vous êtes tous responsables, قال صلى الله عليه وسلم. On est tous responsables, que ce soit le gouverneur, il est responsable de son peuple, que ce soit le père de famille, il est responsable de sa famille. والمرأة راعية, كذلك elle est responsable في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Elle est responsable de son foyer et bien sûr de ses enfants et elle sera interrogée sur cette responsabilité. الحديث il est في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فعلى المرأة أن تحافظ على دينها وعلى هذه النعمة العظيمة الإيمان والسنة. Donc les femmes وَلِلَّهِ الْحَمْدِ qui sont à la din, à la sunnah, elles doivent s'accrocher et préserver cette ni'mah, ni'matu l'iman, ni'matu al-huda, la guidée, l'islam. Et dans cette kalima al-mukhtasara, nous n'avons من باب النصيحة بعض صفات المرأة الصالحة. Dans cette kalima, on va citer بإذن الله عز وجل ensemble les caractéristiques de cette femme صالحة. لأن هذا الدين كما لا يخفى على الجميع, il est fondé sur une عقيدة, il est fondé sur des أقوال, sur des أعمال. C'est ça الصلاح. فالمرأة والرجل كذلك, ils doivent faire des efforts dans leur dîn. Ne pas penser qu'à dunya. Ba'duhum, leur but, ka'annahu, c'est dunya. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, qala fi kitabihi al-azim, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Que ce soit l'homme ou la femme, que pour l'ibadah. Et chacun, il doit être à sa place. Il y en a ce qui fait du mal. Kathiran, c'est quand l'insan, que ce soit al-rajul ou al-mar'a, ils sont plus à leur place. Al-mar'atu saliha. On va citer certaines sifat et des caractéristiques et bi'idhnillahi azza wa jalla appuyé par des adillah min al-kitab wa min as-sunnah avec l'explication de ahl al-ilm. Fanas'alullah azza wa jalla at-tawfiq wa as-sadat. Awalan, la première sifa, taqwa Allah wa mulazamat al-ibadah. Ça, fi al-haqiqa, c'est pour l'homme et pour la femme. يقول الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قال عز وجل فالصالحات قانتات أي les femmes pieuses الله سبحانه وتعالى il a cité parmi leurs caractéristiques أنهن قانتات قال العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أي مطيعات لله تعالى هذه هي المرأة الصالحة أنها تطيع الله سبحانه وتعالى الأبي الله عز وجل selon ses capacités. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها si la femme musulmane elle fait ses cinq salats à l'heure et avec sincérité, et elle jeûne siyam Ramadan, si elle peut, elle le jeûne pendant Ramadan, et si elle ne peut pas à cause de maladie, grossesse ou autre, elle rattrape. Wa hassanat farjaha, كذلك elle s'écarte de zina, ayyadan billah. Wa ata'at ba'laha, ay zawjaha, et elle obéit à son mari. Quatre choses, as-salat, as-siyam, elle s'écarte du fasad. Et elle obéit à son mari. Bien sûr, il y a d'autres choses. Mais ces quatre points ils sont importants. Et il les a cités dans ce hadith et il a cité la récompense. Si elle préserve, elle fait des efforts dans ces quatre choses, ces quatre points, qala sallallahu alayhi wa sallam, dakhalat min ay abwab al-jannah sha'at. Elle rentre par n'importe quelle porte de l'jannah, du paradis, yawm al-qiyam, elle choisit. Et en al-jannah, il y a plusieurs portes. هذه هي المرأة الصالحة أخلاق comportement عقيدة عبادة كذلك elle connaît sa place. Si elle est célibataire, elle a un responsable, c'est son père. Si son père il est pas là, son frère ou son grand-père. Si elle est mariée, son mari. Et كذلك elle donne حق لله عز وجل أي العبادة على دور الله عز وجل seul. Et elle donne le حق aux autres, à ses enfants, à son mari, à ses proches. هذه هي المرأة الصالحة كذلك تعتني ونعتني جميعا بالعلم. Cette femme pieuse, si elle veut al khair fi dunya wal akhirah, elle doit faire des efforts fi l'ilm al shar'i. Donner du temps walaw qalilan, li anna al mar'a rubama elle est plus occupée que l'homme, khasatan si elle est mariée, si elle a des enfants, elle a beaucoup de responsabilités. Lakin walaw qalilan, une femme qui donne aucun temps, aucune importance au Coran et à la Sunna, au ilm, elle va se faire beaucoup de mal. لماذا لأن هذه العبادة هذه الصلاة que le Nabi صلى الله عليه وسلم a cité وهذا الصيام, et tout ce que la femme a besoin في دينها c'est lié avec العلم. العبادة لابد أن تكون مبنية عن علم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا laysa alayhi amruna fa huwa radd. Et l'ibada, ce n'est pas fondé sur l'ilm. Et c'est une invention, une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faite ou jamais ordonnée. Hadi l'ibada, elle est mardoute, elle est rejetée. Kadalik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. C'est une obligation pour chaque musulman. Dans une version du hadith, ou ala kulli muslima. Lakin se rajout fihi dha'f. Il est dha'if. Et la première partie, elle est sahiha, et elle englobe l'homme et la femme. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. C'est une obligation pour chaque musulman. Chaque musulman, il doit faire des efforts. Apprendre son dîn. Connaître ma'na shahadatayn. Connaître les piliers de l'islam. Comment faire le salat. كذلك المرأة تعتني بما يختص بها. Il y a des choses qui sont réservées à la femme. مثلا ما يتعلق بالحيض والنفاس. Tout ce qui est lié à ses règles, à ses menstrues, à la grossesse. Il y a des ahkam في دين الله عز وجل. Est-ce qu'elle peut faire salat ام لا? Est-ce qu'elle peut faire siyam ام لا? Est-ce qu'elle doit rattraper? ما يتعلق بالطهارة. C'est مهم. Tu trouves بعض النساء للأسف elles connaissent presque rien de ces ahkam. Et probablement elles font des choses qui contredisent هذه العبادة, que ce soit الصلاة ou الطهارة. لماذا? لأن il y a un manque d'effort في العلم. Alors qu'on a tous du temps في الحقيقة. Le temps, il faut le chercher فقط. On a tous du temps. ولو une demi-heure في اليوم. ولو une demi-heure. Inch'Allah, celui qui fait des efforts dans cette demi-heure, il trouvera خير وبركة. وتعتني كذلك بقراءة القرآن. Et كذلك تعتني بالدروس العلمية. Elle fait des efforts, elle écoute du Coran et elle essaie de comprendre. Et si elle comprend l'arabe, ولله الحمد, elle écoute دروس أهل العلم. Et là, avec tous ses moyens, ولله الحمد, c'est très facilité. Si elle ne comprend pas l'arabe, elle écoute des دروس, si elle trouve traduit en sa langue ou ce qu'elle comprend. والخير حاصل على كل حال. Il faut faire des efforts. هذه المرأة doit faire des efforts. أما se laisser aller. Et penser qu'à dunya, qu'à la maison, qu'aux enfants, qu'à elle. Ou à Nisa, elles exagèrent fi ma yata'alaq bil bayt. Tout ce qui est le rangement, tout ce qui est la propreté. Thumma ne donne aucune place, aucun moment pour son din. Wa hada, c'est un taqsir kabir. Hada le bayt, tu vas le délaisser. Ça c'est une chose, ça nous facilite, walillahi alhamd, c'est une ni'ma, ça nous facilite pour notre dîn, à max ça prend toute la place. وهذه المرأة فقط, elle s'occupe des tâches ménagères et elle s'occupe d'elle et des enfants et elle donne aucune part au ilm, elle se fera du mal. Un problème, une dispute, une discorde, probablement ça va très loin. لماذا? Il y en a un manque de ilm. ومن صفات المرأة الصالحة, et c'est le deuxième point, الحجاب الشرعي. يقول الله تعالى في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر من الله, c'est un ordre من الله, خالق الجميع, رب العالمين, c'est lui qui a créé cet homme et cette femme. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أردنه بخفت صلى الله عليه وسلم دغدني à ses femmes, قل لي أزواجك, et les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم, وبناتك, à ses filles, ونساء المؤمنين, et aux femmes des croyants, المسلمات. Toutes les femmes, elles sont concernées. يدنين عليهن من جلابيبهن, et de porter هذا الحجاب, هذا الجلباب الشرعي. وقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله. تأملوا هذا الحديث, هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. Elle va décrire, elle va expliquer comment elles étaient les femmes المهاجرات الصحابيات, ce qui était à l'époque du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, quand elles ont entendu الأمر بالحجاب. Quand elles ont entendu أن الله سبحانه وتعالى il a ordonné الحجاب. فقالت عائشة فلما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Ce verset, ça montre أن الحجاب il est obligatoire. Avec le verset qu'on a cité كذلك من سورة الأحزاب. شققنا أكثف مروطهن. C'est un نوع من الثياب. فاختمرنا بها. Sur le coup, sur le champ, quand elles ont appris, elles ont écouté le verset, elles ont pris des bouts de tissu et elles se sont couvertes directement. هكذا on ferme les portes à Shaytan. وهكذا المرأة à l'avance dans son thé. Amma, écouter Shaytan et avoir peur des autres, mais ils vont dire oh, je le porterai l'année prochaine, oh, je le porterai pendant Ramadan. Ma tadri. Rupama malak al-maut ya'ti et il reprend ton âme. Était à la هذا الحال والتبرج اي ne pas porter le hijab devant des étrangers c'est très grave عند الله سبحانه وتعالى. فالمرأة الصالحة donne beaucoup d'importance au hijab. والمراد هنا بالحجاب c'est الحجاب الشرعي. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان dans son tafsir وهذا الحديث اي qu'on a lu حديث عائشة صريح النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمهن أن أو فهمنا أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن. Elles ont compris les صحابيات à l'époque de الرسول صلى الله عليه وسلم et Aïcha les décrit أن quand elles ont entendu le verset elles ont compris qu'il fallait se couvrir tout le corps. هكذا المرأة الصالحة. Elle fait des efforts et elle applique le din comme arad Allah subhanahu wa ta'ala wa ala fahmi al-salaf. Léanna, on vit à une époque l'anna ba'd al-nisa. Elles ont une bonne intention et elles veulent faire des efforts dans leur din et elles en font. Lakin, par manque de ilm, ou faiblesse, ou elles sont mal conseillées, probablement elles portent un hijab qui n'est pas un hijab shara'i. Imma la couleur, elle est attirante, elle attire l'œil. Imma le hijab il est trop serré, imma elle se découvre certaines parties de son corps, imma faqat elle se couvre les cheveux et le reste elle a une tenue qui n'est pas adaptée à notre din. وهذا لا ينبغي. الحجاب c'est pas se couvrir les cheveux. أيتها المرأة. Se couvrir les cheveux c'est une partie. أما الحجاب c'est se couvrir le corps. لماذا لأن المرأة سن فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الصالحة الفتو pour ne pas être une fitna pour les hommes. Se faire du mal ou faire du mal à un autre. وتأملي هذا الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار. Deux catégories qui vont rentrer في النار. لم أرهما. Le prophète ne les a pas vus, ils n'étaient pas présents à son époque. Ces deux catégories de personnes, elles sont venues bien après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces deux catégories, قال النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. Cette catégorie des femmes كاسيات عاريات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فهم أنها لا rentreront pas في الجنة et elles sentiront pas l'odeur. وهذا من أحاديث الوعيد رواه الإمام مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى كاسيات عاريات. كاسيات ça veut dire elles sont vêtues, elles ont des vêtements. Vous connaissez peut-être le mot kiswa. عاريات elles sont dénudées. Les deux. Elles sont habillées, en fait, c'est comme si elles étaient dénudées. قال شيخ الإسلام بأن تكتسي ما لا يسترها. Porter des vêtements, ça ne suffit pas pour le mar'a. لأن il y a des vêtements, maintenant, ils sont moulants, les formes, elles apparaissent. C'est une fitna, c'est haram, في دين الله. Même si elles se couvrent les cheveux. قال فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية. Cheikh l'Islam, il explique le hadith du prophète sallam, elle est habillée, lakin fil haqiqa c'est comme si elle était nue. Limada li anna sun fitna. Qala rahmatullah alayhi mithl man taktasi thawb ar-raqiq alladhi yasif basharataha aw ath-thawb ad-dayyiq alladhi yabdi taqati' khalqiha. Comme certaines femmes qui portent des vêtements moulants. C'est une fitna la yajouz qu'elle sorte fi hadha al-hal. Wal mar'a la bud elle doit se rappeler ce hadith qu'on a lu. لا يدخلن الجنة. فماذا ستستفيدين من هذه الدنيا ولو si cette femme elle est bien habillée et elle sort et demain يوم القيامة qu'est-ce que ça va être la réponse. قال شيخ الإسلام وإنما كسوة المرأة comment elle doit être habillée cette femme c'est quoi le hijab الشرعي قال ما يسترها c'est un hijab qui la couvre pas qui couvre que les cheveux une femme qui se couvre les cheveux et elle a une tenue عياذا بالله qui attire c'est une fitna même si elle a les cheveux couverts لكن للأسف الشيطان il a fait beaucoup de dégâts من هذا الباب أن كثير من النساء elle pense que le hijab c'est couvrir les cheveux والله بعضهن كما تعلمون elles sortent avec un hijab les cheveux couverts maquillées des vêtements moulants والله c'est une fitna encore plus grande que certaines femmes qui portent pas le hijab et c'est pas ça le murad c'est pas ça le but de ce hijab c'est que cette femme c'est pas une fitna pour les hommes قال شيخ الإسلام وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها on voit pas son corps كذلك on voit pas les formes لكونه كثيفا واسعا لماذا لأن ce hijab il est épais et large c'est ça لباس المرأة الصالحة وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه النافع تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات هذه الرسالة الرسالة en conseil tous les frères et toutes les sœurs العناية بها c'est une رسالة طيبة مختصرة Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il a cité tout ce qui est spécifique à la femme. Il commence par l'aqida, ça englobe tout le monde. Lakin il fait un tambih. Thumma, il cite bab al-salat, tout ce qui est lié à la femme, bab qabla dhalik al-tahara, al-hajj al-siyam, et jusqu'à la femme. Al-zawaj, tout ce qui est la femme, elle a besoin dans son din. Hada, c'est un kitab muhim. Allah subhanahu wa ta'ala, al-ina'a, al-i'ana, naqra. Inch'Allah Ta'ala, si on peut. Qala Cheikh Al-Fawzan, viens dans le kitab. أيتها المسلمة إن الحجاب يصونك من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر هذا الحجاب c'est une ni'ma pour la femme والله c'est pour son bien c'est une rif'a ça va l'élever في الدنيا قبل الآخرة لماذا لأن بعض الناس بل à notre époque كثير من الرجال ils ont des mauvaises pensées عياذا بالله Et ils sont attirés par cette fitna et par le shar. Fait al mar'a avec le hijab shar'i, Inch'Allah, elle va repousser ce mal. Une femme qui sort pratiquement dévêtue, ou habillée, lakin, parfumée, maquillée, là, chacun, n'importe quel fasir qui va la voir, il va avoir des mauvaises pensées. Et il va croire que c'est une fille facile, iyadun billah. Ayyatuha al muslima, t'es au-dessus de tout cela. المرأة elle se marie ثم تتزين لزوجها elle prend soin d'elle pour son mari ثم si Allah subhanahu wa ta'ala يرزقها أولادا elle prend soin de ses enfants et هكذا elle vit une vie طيبة son mari prend soin d'elle elle prend soin de lui أما comme il les a appelés Cheikh Al-Fawzan كلاب البشر il les a comparés à des كلاب à des chiens فهؤلاء ils veulent que du mal ils veulent que du mal pour la femme وللأسف بعض النساء qu'ils appliquent pas مثل هذه المصائح de nos savants et les textes avant du Coran et de la Sunna que la trouve تتزين pour sortir elle prend soin d'elle elle se fait belle pour sortir alors que c'est des étrangers et c'est haram عليها et ربما ça lui fait du mal et quand elle rentre chez elle peut-être qu'elle est mariée cette femme quand elle rentre chez elle elle fait aucun effort أين حق الزوج Le mari, dans ce cas-là, il pourra avoir des mauvaises pensées. Pourquoi se faire belle pour sortir des étrangers Et fil bait là. C'est une fitna, na'oudou billah. قال الشيخ الفوزان ويقطع عنك الأطماع يقطع عنك الأطماع الطمع, c'est des mauvaises pensées que certains hommes, ils ont. Le hijab الشرعي, ça bloque tout cela, بإذن الله عز وجل. قال ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه فإنها تريد لك الشر نصيحة طيبة أيتها المرأة ne prête aucune attention à toutes ces comme il les a appelé Cheikh Fawzan دعايات باطلة من الكفرة من الفساق أن الحجاب الشرعي c'est plus adapté أن la femme c'est comme une esclave Ne prête aucune attention. Wallahi, ahl al-fujur, wal-fisq, wal-kufr, ils ont un but bien précis. c'est de profiter de cette femme. Préservez-toi bil hijab shar'i. Cher Fawzan, il a cité le verset qu'on a cité au départ. كما قال تعالى ويريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Ils veulent qu'on s'écarte de notre din et ils combattent la femme pour qu'elle délaisse le hijab. لماذا يصير لأن سيل délaisse le hijab, elle a ouvert une énorme porte de char pour elle et pour la communauté. فالمرأة الصالحة تبتعد من التشبه بالكافرات والفاسقات. La femme pieuse, elle s'écarte de ressembler, elle fait attention de ne pas ressembler aux kafirat, aux fasiqat. Vous avez remarqué comment ils combattent l'islam et combattent la sunna, et comme ils détestent le hijab, et comme ils se moquent, et comme ils n'acceptent pas, malgré que d'aïman ils parlent de liberté, de tolérance, yuharibouna, les sœurs qui mettent le hijab. Enfin, pourquoi nous, en tant que musulmans, on essaierait de leur ressembler? Alors qu'on a le meilleur modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était marié aux meilleures femmes. C'est les exemples pour chaque musulman. Pourquoi délaisser hada et ressembler à des fasiqat, des kafira, qui n'ont aucune pudeur, aucune manzila عند الله وعند عباده الصالحين. والمرأة الصالحة كذلك تبتعد عن التشبه بالرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن, il a maudit la femme qui ressemble ou qui essaie de ressembler à un homme, et كذلك l'homme qui essaie de ressembler à la femme. لأن الآن أحيانا tu fais aucune différence entre les vêtements d'une femme et d'un homme. عياذا بالله. المرأة لا, elle a une place à part, elle a des vêtements pour elle. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. المرأة الصالحة doit tout faire pour avoir ce bon comportement. الحياء أي la pudeur. لأن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. La pudeur s'emmène tout le bien, même pour l'homme et pour la femme. Akthar, elle soit pudique. Il y a une différence entre chez elle et dehors. Il y a une différence quand elle est avec son mari ou avec son père, son frère. Il y a une différence quand elle est avec des femmes et quand elle est dehors. C'est ça, al-haya. Elle a de la pudeur. Wa takhaf min Allah azza wa jalla. Min sifat al-mu'minat as-salihat. Et c'est le troisième point. Ta'at al-zawj. Si elle est mariée, elle doit obéir à son mari. وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها. البعل c'est الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أنها تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. Elle choisira par quelle porte de Jannah elle rentrera. Lakin, en appliquant ces points importants, ta'at al-zawj, obéir au mari, bien sûr fait ta'at Allah, azza wa jal, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma fil ma'asiyya, vala ta'a li makhlouq fi ma'asiyyati al-khaliq, innama ta'a bil ma'rouf ou fil ma'rouf. L'obéissance, bien sûr, c'est pas dans l'interdiction, mais dans l'interdiction, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, fala ta'a, elle obéit ni à son mari, ni à son père, ni à personne. Lakin, autre que le ma'asiyya, elle doit obéir à son mari. An Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idnih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith, il nous montre anna la yahill, c'est interdit pour la femme. An tasum, qu'elle jeûne. Bien sûr, un siyam qui n'est pas obligatoire. Mathalan, le lundi et le jeudi. Ou trois jours dans le mois. Le 13, le 14, le 15e jour. Mathalan. Hadha la yahill laha. Elle n'a pas le droit, si son mari est présent, bien sûr. Illa si elle lui demande la permission. Limada li anna ta'at al-zawj wa hajat al-zawj ala une place azima عند الله سبحانه وتعالى. Il y a peut-être que son mari aura besoin de certaines choses. فلا بد لو demande la permission. فقدمت ta'at al-zawj ala al-nafila. Pourtant nafila c'est une ibada lillah, لكن ta'at al-zawj elle passe avant. Limada? Pour montrer l'importance de l'obéissance au mari. فالمرأة الصالحة تطيع زوجها في ta'at الله وتصبر عليه. Elle patiente. لا بد من الصبر. وإن شاء الله تعالى son mari lui veut du bien. s'il lui interdit telle chose, ou il ne lui donne pas l'autorisation de sortir à tel moment, ou il lui impose telle chose, Inch'Allah, c'est pour son bien. Et s'il se trompe, elle lui montre. Si c'est une erreur, il n'y a aucun mal. Elle doit se rappeler les hadiths qu'on a lus, ou d'autres. فألوبي الصماري في الحقيقة سنطع لله لكن سكيفي دو مال أحيانا وكثيرا سلا فيغتي كساسوا اللوم أو لفر كل واحد يفير كل واحد يبقى سنفوزي ولو سيسا إن معصية ولو يسي كي ستخمب يبقى كمم سنفوزي إساسا في دو مال اللوم إيا لفر فكل واحد أسا بلاس والاحتساب سمهم أن توس كونسيت نحن سمين باب الدين تدرى غوليجيون الآن الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب دور المرأة في تربية الأسرة كذلك سين رسالة نافعة لغول دو لفم قال هذه الطاعة ست أوبيسانس إذا دوني مثال طيب pour montrer l'importance de cette obéissance et le besoin. قال هذه الطاعة هي أساس الاستقرار لأن القوامة للرجال كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء. C'est l'homme qui est responsable de la femme. C'est lui qui s'occupe de la femme. C'est lui qui gère tout ce qui est lié à la maison et à l'akhirah. Les besoins. Et la femme, elle doit lui obéir. في هذا. فقال الشيخ الفوزان فلا نتصور قوامة بدون طاعة. ثم قال والبيت مدرسة وإدارة. تأملوا cet exemple. La maison, celui qui est marié, qui a un foyer, il vit avec sa femme. هذا البيت, c'est comme une madrasa. C'est comme une école. أو إدارة, une administration. أو une entreprise. قال الشيخ الفوزان فلو أن مديرا في مؤسسة أو مدرسة لديه موظفون لا يطيعونه هل يمكن أن يسير العمل؟ تصور أنت une entreprise ou une école, personne n'obéit au patron ou au directeur. Personne vient à l'heure, personne remplit ses tâches. Est-ce que cette entreprise elle va tourner ou cette école? Abadan. Obligé d'avoir une tête. هكذا dans un pays. Pourquoi ulama sunna ils insistent beaucoup sur l'obéissance au gouverneur. Il y en a un pays qui n'a pas de tête, c'est le fawda. Chacun fait ce qu'il veut, des manifestations, des attentats, yadam billah, des tueries, et c'est le fitna. Et personne n'avance, c'est que du mal. Un pays avec un gouverneur et qui impose des choses et yahkum bayna an-nas, inshallah, il y aura du khayr. Hakadha al-bayt. Al-bayt, il faut une tête. Il faut un guide, il faut un responsable. Amma, si on donne cette tâche à deux, il n'y aura que des khilaf. Hada, il va dire on va à droite, un autre il va dire on va à gauche. Et khilafat. Et les enfants au milieu de tout cela, ils sont perdus. Falabud min ras. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné l'homme. Al-rijalu qawwamun ala nisa. Al-mar'a doit bien penser à cela. Même si ahyana elle voit qu'une chose, c'est pas comme cela, ou c'est mieux, hakada, lakin son mari, il décide telle chose. Et bien sûr, c'est pas haram, elle doit obéir. Et Inch'Allah, ça préserve le foyer, ça préserve tout le monde et il y aura un khayr azim. قال الشيخ الفوزان فالبيت كذلك إن طاعة الزوج واجب شرعي تثاب المرأة على فعله. Vous avez remarqué, il a cité la récompense. C'est une obligation pour elle et elle est récompensée. Comme quand elle fait le salat, elle lit le Coran, elle fait le siyam, elle est récompensée. كذلك, à chaque fois qu'elle obéit à son mari et elle lui obéit. Peur ou par faiblesse, là lui obéit, il est un Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé pour hada, pour l'ibada, et parmi les adorations, obéir au mari, elle est récompensée à chaque fois. Et Inch'Allah, elle aura une vie tayyiba avec son mari, vie de dunya, et fil jannah, alhamdulillah, c'est un fawz al-azim. Qala shir al-fawzan, bal najid ta'at al-zawj muqaddama ala ibadat al-naf, et on a cité le hadith. Kadhalik, min ta'at al-zawj, on cite quelques points liés à l'obéissance du mari. Anna al-mar'a la takhruj min baytiha illa bi'idnih. Anna n'a pas le droit de sortir de la maison illa bi'idnih, avec sa permission. Rawa al-imam al-Bukhari wa al-imam Muslim an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha sta'adhanat mar'atun aw mar'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha. même pour aller au masjid. On ne parle même pas de sortir pour eux quelque chose qui n'est pas important ou quelque chose de futile, perdre son temps dehors. On ne parle pas de ça. On parle d'aller au masjid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré, si elle vous demande la permission, ne l'empêchez pas, donnez-lui la permission. Ça montre qu'il y a une demande de permission. قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه وقيل إن في الحديث دليلا على أن الرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه. Ça montre que si pour le masjid elle demande autorisation, فما بالك pour autre que le masjid. وهنا تنبيه أن المرأة الصالحة, si elle demande la permission, c'est pas forcément la réponse, elle doit être positive. Mais en avoir des nissa, elle demande la permission, elle sait qu'il faut demander. Thumma, si c'est non, il y a des problèmes. Là, il y a. Elle mord pas tout ça, elle demande la permission et elle sait que la réponse, ça peut être non. Et le mari, Inch'Allah, s'il dit non, il sait pourquoi. Si cette femme, c'est une femme saliha et elle a besoin de sortir pour une chose, elle rend visite à sa mère. Ou autre quelque chose, il n'y a pas de fitna et c'est une haja, fala yamna. Mais si c'est dans un endroit où il y a des fitna et fousour ou fujour, si elle a besoin, elle afdal, bien sûr, il sort avec elle. Amma safar, voyager sans l'autorisation du mari, c'est une musiba. C'est une musiba kabira. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré anna la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawm al-akhir an tusafir illa ma'a dhi mahram. Une femme qui croit en Allah et en son messager, et au jour dernier, elle ne voyage qu'avec un mahram. Et on vit à une époque, wallahi, il y en a بعض الاخوات ربما une longue distance, et toute seule, et pas d'autorisation de son mari. ثم دحيل أن هذا, ce n'est pas un voyage. لا ينفع عند الله, c'est une fitna. Et tout ça, c'est pour le bien de la femme. لكن بعضهن, elles ne réfléchissent pas à hadil umur et après ça fait des fitnes. Tout ça pour une sortie. Et après ça met en danger le couple, ça met en danger les enfants. Des fitnes, ça occupe tout le monde. Et Shaitan il en profite. L'imad. Pourquoi? Il faut qu'on applique ce genre de preuves, ce genre de conseils de nos savants. Wal aslu fil mar'a, c'est al julus fil bayt. La base, c'est que la femme, elle doit rester à la maison. Hada, c'est pas moi qui le dis, ou c'est pas un savant ou un tel, c'est qawlullah azza wa jal. Qala subhanahu wa ta'ala wa qarna fi buyutikunna. Qarna fi buyutikun, et restez dans vos foyers. Ça montre à la base, c'est de rester dans le foyer. Thumma les sorties, c'est par rapport à l'haja, s'il n'y a pas de fitna, il a akhir. Mathalan elle veut aller au masjid, mathalan elle veut aller voir sa mère. Hada na'am, c'est permis. Lakin la base, c'est la maison. On vit une époque, nous, on a عند الكثير, la base c'est dehors. Travail, wakada, wakada, wakada. Et une femme pendant Obama, des heures et elle est dehors. Dans une journée. Hada la yasuh. Kadhalik, par rapport à ta'at al-zawj, l'obéissance au mari, khidmat al-zawj, à y prendre soin de son mari. Est-ce qu'il a besoin de min akl, la nourriture, ses vêtements, il a akhiré. Ça c'est min shu'un il-mar'a. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلم المرأة حق الزوج. Si la femme elle connaîtrait le حق de son mari et le droit que son mari a sur elle, لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ. Si elle connaîtrait vraiment le droit que le mari a sur elle, elle ne s'assoit pas son mari n'a pas fini de manger. Dès qu'il a fini, thumma, elle s'assoit. Si elle connaîtrait vraiment haqq al-zawj, pour montrer anna hadha al-zawj la haqq 'azim 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadith sahahahu al-Imam al-Albani rahmatullah alayh. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah fi Zad, Zad al-Ma'ad, hadhihi ashrafu nisa' al-'alamin. La meilleure femme qui est jamais sur terre, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ashraf wa afdal nisa' al-alami. C'est la meilleure des femmes. Qal ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, kanat takhdimu zawjaha. C'est elle qui s'occupait de Ali radiyallahu anhu, son mari, et de la maison et des enfants et de la nourriture et malgré que c'est Fatima afdal nisa', وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a annoncé qu'il allait rentrer fil Jannah alors qu'il était encore vivant. Il s'est marié avec Asma, la fille de Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه. فقالت تزوجني الزبير رضي الله عنه وماله في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرس. Quand elle s'est mariée avec Zubair, Zubair il possédait rien sauf son cheval. فقالت أسماء فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته. Elle s'occupait de son cheval, elle lui donnait à manger, elle lui donnait à boire. Pourquoi? لأن ce cheval il appartenait à Zubair. Et Asma radiallahu anha a été éduquée par Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle avait compris anna son rôle c'est hada. Et ça, ça rappelait sans rien la femme. L'imam, il y en a celui qui élève, c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné hada à la femme. Amma travailler, sortir, les vêtements, wallahi, ça élève en rien la femme. Bel kathir min al-nas, ils veulent profiter. Quand ils ont profité de cette femme, ils la jettent fil qumam. Hakada ils sont. Amma hada din, là, c'est pour préserver al-mar'a. Ta'ammal al-tal'a, la place de Fatima. Elle est morte il y a des siècles. Afdal Nisa al-Alami. Est-ce que ça lui a fait du mal de travailler chez elle, de s'occuper de son mari? Ah, madame. Asma, radiallahu anha. Belle, ces femmes, de nos jours, et on les cite. Et à chaque fois qu'on les cite, on dit radiallahu anha. Amma al-fasiqat, al-kafirat, il y en a beaucoup, elles n'ont aucun poids, aucune manzila. Kadhalik, un point important, Adam, at-takalluf, wa talab fawq al-haja, avec son mari. Al-mar'atu. Elle s'écarte de ou le ghurur bid-dunya. Et ce tam, il va la pousser à demander toujours plus. Khassatan, elle a vu chez Fulan à telle chose et elle demande à son mari, alors que son mari fait des efforts et il n'a pas le qudra. Elle doit s'entraider avec son mari. Ça doit être un nour, une rahma, fil bayt. Amma ba'd al-nisa, da'iman des demandes, alors qu'elle sait que son mari ne peut pas. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما هلك بنو إسرائيل la première chose qui a conduit اليهود بنو إسرائيل à leur perte أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ أو قال من الصيغة ما تكلف امرأة الغني. Ça les a conduits à leur perte. La femme du pauvre, elle demandait les mêmes choses que la femme du riche. Amma, une femme qui est mariée avec un rani et il a les moyens et elle a certains besoins et il est capable, il lui achète. Alhamdulillah, nimma. Amma, que la femme du pauvre, elle veut imiter cette femme alors que son mari, il a rien. Et ça arrive. Elle visite une sœur et elle voit telle chose chez cette sœur et elle demande la même chose à son mari alors qu'ils n'ont pas le même niveau de vie. Si ton mari il est مشغول بالعبادة وبالعلم اتق الله في نفسك. S'il est occupé بالعلم, il est occupé بالعبادة et il fait des sacrifices, tu dois l'aider في هذا الحال. Amma, lui demander des choses pour qu'il arrête العلم et il achète telle chose, ça c'est pas minat tawfiq fi shay. المرأة دوائت صنع ولا تشق عليه ولا تكثر الطلب. السلف vivaient pas هكذا. السلف leur maison c'était de la modestie. لماذا؟ لأنهم savaient que cette dunya tout سيزول. نحن on dit pas que المرأة elle a pas le droit de se faire plaisir là, لكن chacun selon ses moyens. أما ce qui nous fait du mal نحن كذلك, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Et ça arrive beaucoup chez les femmes. Kadhalik inda ar-rijal. Kadhalik, pense à ton mari. Pense à ton mari. Amma, cette sœur, cette amie, elle a telle chose, tu veux l'imiter, tu veux faire comme elle, rubbama s'il y a des problèmes, ça fera du mal à toi et à ton mari. Al-mar'a tuhafid ala ras maliha. Son capital, c'est son din, c'est son mari, c'est ses enfants. Amma al-baqi, dès que tu as besoin, ahyanan, tu ne trouves pas, tu ne trouves personne, illa haoula les proches. كذلك حفظ سر الزوج. Et ça c'est important. Elle ne doit pas divulguer les secrets de son mari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا pour l'homme et pour la femme, pour les deux. أنهم ils ont des secrets entre eux, لأنهم ils vivent ensemble, ils sont mariés. S'il arrive quelque chose, فلا يجوز de dévoiler ces choses. عياذا بالله. بعضهن وبعضهم. Quand il y a un problème, quand ça va plus, كل واحد يفضح الآخر. Il veut humilier l'autre et il dévoile tout et il rajoute. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس. هؤلاء ça fait partie des pires des personnes عند الله عز وجل. وينبغي للمرأة الصالحة أن تشكر زوجها. Elle doit être reconnaissante envers son mari. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. Allah subhanahu wa ta'ala لا ينظر, il regarde pas une femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari. الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Et ça renforce le hadith précédent. Et le hadith précédent, بعض العلماء يضعفونه, لكن ce deuxième hadith il montre que celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, en réalité, il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un t'a fait un khayr, tu dois être reconnaissant. Mabaluk, le mari, elle doit être reconnaissante envers lui. Et كذلك هو, il doit être reconnaissant envers sa femme. Si c'est une saliha, elle lui obéit, elle lui fait du khayr. Même si elle a une faiblesse, il n'oublie pas tout le khayr. الشكر c'est مهم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. النبي صلى الله عليه وسلم il a vu النار, il a vu l'enfer et il a vu que la plupart des habitants de l'enfer c'était des femmes. لماذا قال يكفرن فقيل أيكفرن بالله. Ça vient de le كفر. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est parce qu'elles ont mécru, elles n'ont pas cru, elles couvrent. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. الكفر هنا بمعنى عدم الشكر. Et elles ne sont pas reconnaissantes envers leur mari et envers l'ihsan et tout le bien qui a été fait. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il démontre que ce mari, Rubama, il lui a fait du bien, il a fait beaucoup de sacrifices, il a arrêté pendant des années. Summa, une fois, il a eu une faiblesse. Ou il n'a pas voulu donner telle chose. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qalat, et cette femme, elle dira, ma ra'aytu minka khayran, tu m'as jamais fait de bien. C'est sa kufr al-ajir. Fal mar'atu saliha tahvar. La reconnaissance, c'est tayyib. Il y a un problème, on règle le problème. Elle m'a oublié ton khayr, ça fait beaucoup de mal. Et ça fait du mal surtout à celui qui oublie, que ce soit l'homme ou la femme. أما المرأة الصالحة ولله الحمد فتعرف حق زوجها وتعرف قدره. أما المرأة الصالحة qui accroche au Coran et à la Sunnah, même si elle a des faiblesses, elle reconnaît le bien de son mari. Elle connaît son حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. المرأة la femme elle connaîtra حلاوة الإيمان et le goût, la saveur de la foi quand elle remplira son devoir envers son mari. الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب. وعند المشاكل المرأة الصالحة doit avoir un comportement. التعامل الحسن عند الاختلاف مع الزوج. Ça arrive les problèmes. بل on est des bachars. لكن المرأة الصالحة في هذا الحال. Elle aide son mari. Elle se remet en question. Et elle a un comportement. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وأخيرا يعلمي أننا بشر. فلا بد من الضعف. ولا بد من وقوع الاختلاف حول بعض الأمور. Ça c'est important pour l'homme et la femme. Non, on est des bachars. Ça arrivera les mésententes, on n'est pas d'accord, on s'est mal compris. Hada, elle a une faiblesse. Hadi, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Lakin, y a des solutions pour régler. قال شيخ الغزالي لكن المهم كيف تعالج أو تعالج الخلافات. La question qu'on doit se poser, c'est comment régler ces problèmes. المرأة الصالحة a un comportement في هذا الحال. قال شيخ الغزالي أولا تجنبي الاستمرار في النقاش حالة الغضب. Ça c'est important. المرأة الصالحة في هذا الحال elle a un problème avec son mari ou avec un autre, avec une sœur ou avec son frère ou avec sa sœur ou مهم. لا تستمر في النقاش في حال الغضب. Surtout avec son mari. Elle voit que son mari il est énervé, elle se tait. بل elle se retire كما قال الشيخ الفوزان والانسحاب حتى تهدى الأعصاب. لماذا؟ لأن sur les nerfs le mari peut dire quelque chose ou la femme elle peut dire quelque chose, ça peut aller très loin. في هذا الحال la femme elle se tait. لماذا؟ لأن الرجل il a حق sur elle. في هذا الحال elle se tait. ثم quand il s'est calmé, s'il s'est trompé, elle lui montre. ثانيا استعملي أسلوب البحث للجدال والتعرف على المشكلة وأسبابها. Et ça c'est important. Le deuxième point, cette femme الصالحة elle doit chercher le problème, il est où, pas le jidal. بعض الناس que ça soit homme ou femme وبتولوا عيادا بالله بالجدال طول اللسان. أنا يا un problème, il est واضح أن la faute c'est فلانة ou فلانة. واحد يغكوني ونو parle plus. بعضهم ils ont jidal أنهم يبارلي بارلي بار. لماذا؟ لأنه il veut pas dire j'ai tort. لا. Si t'as pas compris, demande. Si t'as tort, excuse-toi. وانتهى الأمر. ثالثا البعد عن المقاطعة والاستماع الجيد. Et ça c'est من آداب المرأة الصالحة avec son mari. أنه si parle, elle ne coupe pas la parole. وتستمع. خاصة si c'est un homme صالح. خاصة si il est à la علم. Elle l'écoute. ربما une chose elle n'a pas comprise. Et en l'écoutant, elle comprendra. رابعا لابد من إعطاء المشاعر الطيبة وبيان أن كل طرف يحب الآخر ولكن يريد حل المشكلة. Ça c'est important. أن on doit sentir de cette femme et de cet homme أنهم ils veulent le خير. Ils veulent régler le problème. أن la femme elle tient à son mari, le mari tient à la femme. Et vous verrez que ces problèmes ça partira très vite. خامسا ولابد للاستعداد للتنازل فإن إصرار كل طرف على ما هو عليه يؤدي إلى تأزم الموقف وقد ينتهي إلى الطلاق. Et le dernier point, وربما c'est le plus important, أن لابد من تنازل. أحيانا الإنسان يدلس même s'il pense qu'il a حق إلى آخره, il dit à l'autre طيب خلاص أعتذر je m'excuse إن شاء الله يدخل. Comme on l'a cité tout à l'heure, la fierté ça fait beaucoup de mal. Personne veut écouter l'autre, personne veut se rabaisser, personne veut reconnaître. Ça peut finir en divorce. Wallahi, بعضهم, ils ont divorcé pour des masa'il futiles. Lakin, كل واحد il est fier. La femme elle veut plus écouter. Le mari, ربما il a la mauvaise méthode. Al-Shaytan y rentre. Wallahi, ربما, une semaine, et ils sont divorcés et les enfants fidaya. C'est qui le responsable fihala? Celui qui est responsable, il doit faire beaucoup attention. L'anna l'amr, il n'est pas seul. Et on a cité beaucoup de preuves fihala. Dernier point. Al-Mar'ah al-Saliha ta'tani bi tarbiyati awladiha. Et ce point, on ne va pas le détailler. On a déjà expliqué ce sujet dans une kalima à part l'éducation des enfants. Et à tous ces points qu'on a cités, que ce soit le hijab ou l'obéissance du mari, ça demande d'être traité dans un sujet à part. Ou Allah subhanahu wa ta'ala tawfir. Al-mar'ah al-saliha, elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Limadha li'annaha al-mas'oula. Et on a cité hadith. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma au début de la kalima. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oul. Wa tarbiyatul abna tahtaj ila sabr. Surtout quand elle a plusieurs enfants, ça demande de la patience. Wa la takuni ayyatuha al-mar'a mimman yarjum bi awladihi fi al-hadana 'inda al-fasqa aw 'inda al-kufar. Al-mar'atu as-salihah, elle accepte pas abadan pour elle, pour son mari, pour ses enfants. Elle place ses enfants عند الكفر ou عند الفساق, à la garderie ou la crèche ou à l'école. Et elle, c'est son rôle et elle ne s'occupe pas de ses enfants. Amma, si un organisme, il y a une école à la khair, à la sunnah, et il n'y a pas de mukhalafat, alhamdulillah, à un certain âge. Lakin, quand ils sont très petits, aïna al-haj. Aïna al-haj. C'est la femme qui doit s'occuper de hada. Al-shaytan, il a ouvert un bœuf de choc. À une époque, on entendait beaucoup. Et il a yawmina hada. Anna al-ba'd, il disait là, Anna, je ne place pas mes enfants à l'école tant que ce n'est pas obligatoire. Et si c'est obligatoire, inshallah, je verrai. Tayyib. Ça, c'est tayyib. Anna, on fait tout tant que ce n'est pas obligatoire. On sait qu'à. Quand ça devient obligatoire, si c'est fibilad al-kufr, là où il y a du fisq des mukhalafat, on essaye de trouver une solution pour s'écarter de ce genre. Chacun selon ses capacités. Al-yawm, tu trouves, بعض الآباء والأمهات, ils placent leurs enfants. Probablement, il est à la sunna, ils placent ses enfants à la crèche, à la garderie, à la maternelle. Alors que ce n'est pas obligatoire. Limada, et anna al-qalb. Le qalb, il faiblit, il faiblit. Hatta une chose qui était évidente au départ. Il place ses enfants inda ahda illa. Pourquoi ? La femme, qu'est-ce qu'elle va faire toute la journée ? Du matin jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'elle va faire toute la journée ? Probablement, on dit le mari travaille. Aina al-mas'ouliya ? Ça serait chez des salihin. Talabat al-ilm, chez des ulama, on dirait toute la journée, c'est trop. Il faut que l'enfant il reste avec sa mère. La boud. On parle quand il est petit, très petit. À un certain âge, tayyib yatlub al-ilm ila akhirih. Alors, chez les ennemis de l'islam, alors que ce n'est pas obligatoire. Même si c'est obligatoire, il faut trouver une solution. Ad-du'a et faire des efforts pour quitter ce bilad et aller dans un bilad où il ne t'impose pas et tu pourras préserver tes enfants. Lakin, c'est une fitna. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, as-salam wa al-afiyah. Et on a déjà cité le hadith, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, un celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une mas'ouliya. Et il trahit cette responsabilité, que ce soit enfant ou autre, فَلَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ne trahis pas tes enfants. أَيُّهَا الْأَبْ أَيَّتُهَا الْأُمْ on va tous faire des efforts. Et on n'a pas d'excuse de placer nos enfants à la maternelle, à la crèche, à la garderie. عِنْدَ الْكَفَرَ est-ce qu'on a déjà vu un kafir il place ses enfants chez nous, عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا أَبَدًا لِمَادَ لِأَنَّهُمْ ils nous détestent. Et nous, on doit les détester fillah et bilhaq. Et on doit être juste. Lakin, on vit dans une époque de fitna. Khatima, on conclut هذه الكلمة المختصرة بكلام العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه قال فينبغي نتعاون جميعا على الخير. On doit tous s'entraider. الرجل يعامل امرأته معاملة إسلامية. L'homme, il doit se comporter avec sa femme avec un bon comportement. Mu'amala islamiyya, ça doit être fondé sur le kitab et le sunnah. Il ne doit pas profiter de sa place pour être injuste. فَلْيَتَّقِلَّا كُلُّ رَجُلِمْ Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a élevé. Et si tu es injuste envers cette femme, tu rendras des comptes يوم القيامة. قَالَ وَيُعِينُهَا عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَيُعِينُهَا عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ L'homme, كذلك, il doit prendre soin de sa femme. S'il veut que cette femme ça devient une femme pieuse, mra'atun saliha, il doit l'aider avec l'ilm, avec le da'wah. S'il a des connaissances, il lui explique, il lui donne du temps. Qala ar-rajul yu'amil mra'atahu mu'amalatan islamiyya wa yu'inuha 'ala talab al-'ilm wa yu'inuha 'ala ad-da'wati ila Allah wal mar'atu tu'amil zawjaha mu'amalatan islamiyya wa tu'inuhu 'ala al-'ilm wa 'ala ad-da'wati ila Allah. Kadhalik la femme aide son mari. Surtout si elle le voit, il fait des efforts fil ilm al l'aide, elle lui impose pas des choses qui vont l'éloigner de l'ilm. Kadhalik ad-da'wa si elle peut l'aider. Et هذه المرأة si elle a une bonne niya et son mari c'est un talib ilm, ou il fait des efforts fil ibada, il fait des efforts fil da'wa et elle l'aide en lui lavant ses vêtements, en lui faisant à manger, en prenant soin de lui, wallahi ala ajr azim indallah. Lakin bi shart, c'est bien sûr d'appliquer ces choses et elle ikhlas. قال وعلى الدعوة إلى الله وعلى حسن التدبير لما في البيت فإن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا قول الله. On doit s'entraider dans le bien. Enfin, l'homme s'entraide avec sa femme et la femme elle s'entraide avec l'homme. كذلك la femme qui n'est pas mariée avec son frère, avec son père, يتعاونون. فاحمد الله أيتها المرأة على نعمة الإسلام. C'est une نعمة عظيمة. Et on conclut, comme on a débuté, la taghtarri vi al-kufr wal-kafara. Ils ont un appel kabir. la liberté, la tolérance, les droits de la femme, la taghtarri bihada. Wallahi, c'est pour leur maslaha faqat. Vous avez remarqué qu'ils ne donnent pas du haq à leurs femmes. Al-an, combien de problèmes tu entends, ça s'est propagé, il y a des agressions, le fasad. La femme, c'est un objet, c'est ma'ruf. Fa-kayfa, ils vont donner le haq à cette musulmane. Kayfa, ils veulent élever cette musulmane. Wallahi, ils veulent profiter d'elle faqat. فانتبهي ايتها المسلمه قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر هكذا حال الكفار اي avec leur langue à notre époque maintenant c'est clair avec leur langue ils disent que le hijab pour eux c'est de la barbarie ils détestent l'islam ils détestent la sunna قال عز وجل وما تخفي صدورهم اكبر est-ce qu'il y a dans leur cœur c'est encore pire. Ok, on va faire confiance à Ha'oula et on va attendre de Ha'oula qui nous donne nos droits et la akhira. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wallahu yuridu an yatouba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous le khayr. C'est pour ça qu'il a envoyé des messagers, il a fait descendre des livres. Subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Et il veut faire tauba. Et qu'on demande pardon et il nous pardonne. Wallahu yuridu an yatouba alaykum. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما الكفار والفساق، ceux qui veulent que profiter de cette femme, ils veulent que cette femme, ربما son rêve هو c'est que cette femme elle délaisse le hijab حتى il profite ولا يبالي بها. فأيتها المرأة، accroche-toi à cette نعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من مكر أعداء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.